famille et leur empire qui construisent. Prions. Tendre Père, nous prions pour le Sénégal. Nous prions Dieu de gloire que tu visites ce peuple, que tu, oh Dieu de gloire, protèges le cœur de ce peuple, de ces populations contre la manipulation. Nous prions Dieu de gloire que tu, oh Dieu de gloire, protège leur esprit de ces populations, oh Dieu de gloire. Protège, oh Dieu de gloire, leurs familles, les différentes familles. Seigneur, que tout esprit de mensonge, tous esprits prononcés contre eux pour les manipuler, oh Dieu, soit brisé dans leur vie. Donne-leur de comprendre la vérité, de marcher dans tes voies. Enseigne-leur, oh Dieu de gloire, dans leur cœur, ta crainte. Donne-leur, oh Dieu de gloire, de marcher dans tes voies. Que ton nom se soit glorifié. À la maison, vous continuez à prier pour ces pays, ces différents pays, ces différents points-ci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce lieu